Ce n'est qu'une île au grand soleil, un îlot parmi tant d'autres pareils, où mes parents ont vu le jour, où mes enfants naîtront à leur tour. Oh mon île au soleil, paradis entre terre et ciel, où le flot tout le long des jours chante au sable fin sa chanson d'amour. Au grand matin, coiffée de rosée, elle a l'air d'une jeune épousée. Je la regarde et mon fardeau semble aussitôt léger sur mon dos. Oh mon île au soleil, paradis entre terre et ciel, où le flot tout le long des jours chante sable fin sa chanson d'amour. Que jamais ne vienne le jour où l'on entendrait gronder les tambours. Ça ferait peur aux grands oiseaux et pourrait troubler nos doux calypsos. Oh mon île au soleil, paradis entre terre et ciel, où le flot tout le long des jours chante sable fin sa chanson d'amour. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh.